Oui, on démarre. Oui, c'est l'heure. Il est 4h. Avec le meilleur d'énergie, hein, c'est le meilleur de Mickaël, le Rico Show, le meilleur de Koé, le meilleur de Manu, dont 6-9 sur énergie. Vos hits préférés, voici Jane. Sur énergie, c'est cool là de vous retrouver chaque matin entre 4 et 6 heures. On se fait le meilleur de tout ce qui se passe sur énergie. Le soir, 23h, c'est Mickaël avec toute l'équipe jusqu'à 3h. Là, vous passez vos nuits avec lui. Là, on se fait le meilleur de l'émission. Derrière, on écoute Aya Nakamura, Lode Luxury et Alvaro Soler dans la playlist énergie. Bon, Ludovic. Ah, mais c'est Ludovic, l'histoire des pompiers, Amina. Oui, absolument, absolument. Ah. Une grosse affaire, Mickaël, dans laquelle je suis impliqué, évidemment. Eh ben, évidemment, que se passe-t-il? Salut, Ludovic. Ouais, je suis en double écho là, alors attendez. T'es en double écho? Ouais, c'est quoi, double écho? Oui, Roger, on te capte. Oui, Alpha Tango. C'est Alpha Tango Jet Cargo. Zulu. Alors, l'affaire vendredi soir, est-ce que je peux t'accuser de mensonge? Tu m'as envoyé les pompiers dans une avenue du premier arrondissement. Si tu connais le premier arrondissement, cite-moi un bar là-bas. Ben je connais pas, je suis pas parisien en fait, c'est voilà, Edmora, apparaît dans le 16ème où il y a la radio. Encore un mensonge. Alors non, s'il y a bien un mec qui connaît pas Paris, c'est Mickaël. Ah ouais, ouais, pour ça, je suis désolé, hein, mais. Il connaît la France, qu'il a le mec est capable de se perdre dans le quartier. Déjà. Voilà, alors le café Étienne, tu le connais par cœur, j'ai vu un gros baraquier descendre. C'est quoi le café Étienne? Apparemment, c'était un gros baraquier. J'ai vu un monsieur habillé en pompier, c'était bien lui. Il préparait un café Étienne, mais oui, c'est vers. Ah, mais c'est pas moi, c'est Polo apparemment. C'est la rue super. Polo, parce que lui, il connaît. Étienne Marcel, bah oui, à côté du métro, Étienne Marcel. Moi, je connais, bah oui. Il a pas assez de Jackie et Michel. Ça lui suffit pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bien sûr. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé? Avec des migrants. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais vous avez un pote qui s'appelle Guillaume aussi. Il en est capable de non. ça parce que. Mais non, on n'a pas de pote qui s'appelle Guillaume. Je suis désolé. Hein. Et Guillaume Ludovic. Ludovic. Ludovic. Avec échelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé avant de parler de ton café, de je sais pas quoi là? Je t'accuse de ne pas avoir regardé l'équipe de France samedi à midi. Mais c'est pas possible, Ludovic. T'es en train de crier ou quoi? Il a raison. C'est scandaleux ce que t'as fait. Il l'a pas fait. Non mais Ludovic, je suis d'accord avec toi. Ludovic, quelles sont vos preuves? Présentez vos preuves. Ludovic, où étiez-vous ce samedi pour tenir ce genre de propos? Il faudrait la musique de faire entrer l'accusé. BFM. Vous étiez à Sainte-Anne. Bien sûr. À Sainte-Anne. Ah non. Bah oui, sûrement. Moi, nous, j'y étais pas, mais y a moyen peut-être que d'autres personnes s'y trouvent. On va finir là-bas. Oui, alors ça, c'est possible aussi. Ouais. Ah ouais, je pense que là, vous êtes bien parti. Toff ne reconnaissait même pas, il ne pouvait pas citer le Premier ministre de la France. Ni le président de la République. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord mais avec toi. En fait, Ludovic, parce que au courant, mais vendredi, Toff était à la radio. Donc il ne pouvait pas reconnaître le président de la République. Ah non. J'étais avec Manu, c'est mon poteau. Pas à une heure, vous avez fini à une heure. Bah oui. Dans la nuit de vendredi. Oui, bah c'est déjà ça, oui. Les pompiers sont arrivés à 1h30. Vous êtes comme par hasard. Mais on n'a pas le temps, en fait, de faire. Hey, Ludovic, on n'a pas le temps de faire le 16e rue Boileau, Étienne Marcel en une demi-heure. Dans des lieux fermés. Ils s'en foutent, ils n'écoutent pas. Bon, Ludovic. Oui. C'est pas qu'on aime pas parler avec toi, mais j'ai l'impression en fait que tu racontes tout et n'importe quoi, que tu mélanges plein de trucs, les pompiers, Paris, le café, le président, l'équipe de France. C'est faux. Parce qu'à la base, quand même, Ludovic m'a appelé en me disant Mickaël n'aura pas les couilles de m'appeler. Voilà, bon, écoute, j'ai eu les couilles de t'appeler, Ludovic, comme t'as pu le remarquer. Hein. Voilà. C'est moi qui t'ai appelé. Et on t'a pas rappelé, Ludovic, là, non? On t'a pas rappelé, là? Ah non, c'est moi qui tu sais qu'on est en pleine émission. Tu sais qu'on est en pleine émission, on va pas s'amuser à rappeler tous les gens qui nous disent. Mais surtout que pour passer l'antenne, on est obligé de rappeler. Oui, c'est comme ça que ça marche. Hein. Ok. Et on ne joue pas avec les pompiers, on fait jamais de blagues. D'ailleurs, c'est interdit, donc c'est réglé. Voilà. Elle est déjà enfermée, déjà dans une case. Bon, Ludovic, je te repasse Amina. Je pense que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Oui, voilà, oui, c'est ça. Elle a besoin de toi, le sauveur. Merci, Ludovic. Ça a l'air tellement sain, ton univers. Tout à fait. Oui. Salut Ludovic. Ouais, c'est ça, bonne bourre. Salut Ludovic. Je suis pas la Mannschaft. Eh bah écoute, allez la Mannschaft alors, y'a pas de problème Ludovic, gros, je m'en fous. C'est. On est bon là. 01 40 71 5000. Mickaël sur Énergie. Mickaël. Dès 23h, du lundi au vendredi. J'suis pas tout blanc bête, t'as maté la fessée. J'réponds à tes appels, tu crois que j'vais la fesser. Moi j'm'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. Tu veux la plus bonne de mes copines. Tu veux que bon. Et vous êtes sur Énergie, c'est Cédric. Dernier jour de la semaine là aujourd'hui. Ouais, on est vendredi, on est le 14 septembre. Tout va bien. On va écouter pour vous Loud Luxury. Il y aura aussi Alvaro Soler. C'est dans moins de 3 minutes. Avant ça, on se fait le meilleur du Rico Show. C'est à 20h tous les soirs en direct pour vous. 20h, 23h, le Rico Show avec Emeric et toute l'équipe. Et là, c'est le meilleur de l'émission. Ça, c'était hier soir. Tout le monde est en danger. C'est l'heure du canular. Le canular du jour sur Énergie. Brian! Allô, oui, Jean-Marc? Oui, bonjour. Oui, c'est Sarah, tu vas bien? Oui, très bien. Bon, écoute, je t'explique, là, je parle doucement parce que Brian vient d'arriver dans les locaux, hein, d'accord? D'accord. Donc, est-ce que tu es prêt, là, Jean-Marc? Absolument. Tu t'es bien chauffé, Jean-Marc, au taquet, fais-moi un petit cri de guerre. Ouais! Voilà, c'est bien, mon Jean-Marc, c'est bien! Oh là là, t'as la rage de vaincre, toi, dis-le que t'as la rage! Ah oui, j'ai la rage! C'est bien, tu vas me le bouffer, ce Brian, d'accord? Oui. Allez, c'est parti, ne quitte pas. Vous êtes sur le répondeur de la Rico Factory. Nous allons prendre votre appel. Un instant. Hey, Brian is here. Hello. Hello. Hello. How are you, Jean-Marc? Fine. Ça va? Thanks, and you? Yeah, good, good. Good to see you, my friend. So, tu chantes un peu? Tout type de chansons, telles que Claude François. Wait. Oui. Claude was a friend. OK, Jean-Marc, c'est parti. You chant, you sing. Go. Allez, Jean-Marc. Yes, ça marche. Yo, you turn. Je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Yeah. Oh, quelle année cette année-là. Jean-Marc. Oui. J'ai besoin de quelqu'un pour mon spectacle capable de faire les animaux. Oh. So, I want, fuck you, I want you the best. Yes. So, you need, fuck you, you need to do the animal. Fais-moi le loup. Oh. La chèvre. Fais-moi Claude François avec la chèvre. Vas-y, on y va. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Très bien, fais-moi l'âne. Vas-y, Claude François avec l'âne. Ah je oui. veux que tu me fasses la truie. Ouais. Yo, Sarah, tu vas chanter et lui, il va faire l'instru en cochon. Ah okay, oui, ok. On y va gentiment. Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses portes. Nanana, oui, Jean-Marc, belle. Quelle année, cette année-là. Brian. Jean-Marc, est-ce que tu as des assiettes? Des assiettes? Prends-moi les assiettes et les couverts. Tu me prends 3 assiettes, 3 couverts. On y va. Je prends le temps. Vas-y, Jean-Marc. Jean-Marc, good guy. Jean-Marc. Oui, c'est bon. Jean-Marc, voilà, très bien. Tu vas me faire cette année-là. Je vais te mettre la chanson en fond et toi, tu vas rythmer avec les fourchettes, avec l'assiette. On y va ensemble, d'accord? Ouais, à fond, hein? À fond, les ballons. À fond, Jean-Marc. Together. Together. Say after me. Together. Together. Together. Together. Together. Together. You got it. You got it. Jean-Marc, tu vas chanter a cappello. D'accord, ok. Ok, tu tapes plus fort et a cappello, le micro proche de l'assiette qui tape le couvert. Ah oui, là, le micro, il est collé à l'assiette. Let's go, okay. Bro. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Mais le public ne me connaissait pas. Cette année-là. Bravo, Jean-Marc. Je t'appelle demain pour le deuxième casting. Ça marche. Bravo. You got it. Say you tomorrow, bro. See you. Quel barre de rire. Jean-Marc, comme quoi, hein, quand on s'appelle Jean-Marc, il y a moyen de s'amuser. Ah ouais, il y a du potentiel. Tous les Jean-Marc sont bons, normalement. Ah. Tout le monde est en danger. C'est l'heure du canular. Le canular du jour sur Énergie. Babe, don't make a sound. 2 a.m. low, gotta keep it down. Don't wait around for a signal now. Give me some verb, I ain't talking now. You wanna ride in the six.

êtes sur Énergie. Salut, salut, bon réveil. J'espère que tout va bien ce matin. On écoute le nouveau Soprano dans la playlist Énergie. On a aussi Maroon 5, Calvin Harris. Je passe aussi l'artiste, c'est pour Amanda. Elle est au boulot là, en ce moment à Lille, elle est infirmière. Voilà, salut à tous ceux qui écoutent Énergie au taf. Donc vos hits préférés, plus le meilleur de Koé, 17h, 20h chaque fin d'après-midi sur Énergie. Hier, il y avait Kenji dans l'émission et là, on se fait le meilleur de tout ce qui se passe chez Koé sur Énergie. 17h, 20h. C'est Koé sur Énergie. Alors, si tu devrais décrire ton album à Mickey. Tu dis pas bonjour, excuse-moi, pardon. Non, je te dis rapidement, mais on peut quand même se faire un bisou, quoi. On peut. Des bonnes pièces. Salut. Salut, salut Kenji. Bonjour, comment ça va? Ça va. Ah, allez, voilà. À toi, ma belle, ah, à toi, vas-y. Alors, si tu devrais décrire ton album Amigo librement, si quel mot choisirais-tu? Pas de vrai, déjà. Quel mot je choisirais pour, choisir, pour définir ton album? Définir mon album? Eh bien, joyeux, amour et... Ah oui. Et beauté. On a déjà un mot. Un mot, ah, un mot. Amaya. un mot, pardon, mais voilà, je savais que j'avais pas percuté quelque chose. Ben, je sais pas, un mot. Ça pourrait être joyeux, fierté, argent. Mais non, mais t'as plusieurs styles dedans, donc c'est pour ça. Mais non, mais je dirais. Non, ça, c'est ça. joyeux, je dirais joyeux. Ah, c'est bien, c'est bien joyeux. Moi, je trouve que ça va très bien. Vous verrez, dans un instant, on le fera le live et vous verrez que c'est le cas. Je te fais un bisou, ma petite Ludivine. Bisous. Bisous, ma belle. Est-ce que tu sais quand même que t'as détrôné Maître Gims, qui était numéro 1 c'est le vent, hein. Oui. Ben, ça fait plaisir. T'excuses pas. C'est vachement bien. Alors, en l'occurrence, non, pas à lui. Je suis très très fier, mais bon, mais lui, il a beaucoup plus. Ouais, ouais, mais alors il paraît que c'est pas la première fois que tu lui fais le coup. Il est pas content, il veut réagir. Encore une fois, j'ai dû disparaître. Non, c'est pas gentil. Fois, je te aime, pour ne pas dire que j'ai tout donné. J'ai donné tout autant que toi. Ah oui, il est plus numéro 1, mais. J'essaie, dis quoi. C'est pas bien, il paraît qu'il conteste les chiffres de vente. Tout semble faux, j'en fais mes mots, que vais-je devenir. Bon voilà, mais c'est le jeu, il est numéro 1 cette semaine, et voilà, tu redeviendras numéro 1, ah ouais, Mme Games. Donc vas-y, cause toujours, son amour, son amour, vas-y, cause toujours, son amour. Ok, bah d'accord, bah gros bisous. Je me tire. Oh non, tu tout très gentil. Non, fais-le nous plus gay. Je me tire. Voilà, là c'est mieux. 17h, 20h, c'est Koé sur Énergie. Ma maman m'a dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman m'a dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, ça t'en remercie. Vis ta vie comme une jeunesse infinie, tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile, si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit danse, danse à la vie, à l'amour. Danse, danse à la vie, à l'amour. Danse, danse à la vie, à l'amour. Danse, danse à la vie, à l'amour. Danse, danse à la vie, à l'amour. Danse, danse à la vie, à l'amour. Danse, danse à la vie, à l'amour. On avait peu mais on savait donner. Elle m'a toujours dit chez nous l'accueil est inné. Sauf que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a su. Mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman m'a dit le monde il est fêlé. Change avec ton humanité. C'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer. C'est comme ça la vie. Ma maman m'a dit laï laï laï laï la la laï laï. Danse, danse à la vie, à l'amour. conseils que la nuit. J'ai dit maman donne meilleurs conseils que la nuit à la vie, à l'amour. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Énergie, pareil que c'est votre jour préféré aujourd'hui, c'est vendredi. C'est vrai que moi j'aime bien cette journée là, tranquille, le week-end qui suit. On va se faire Calvin Harris dans la playlist Énergie. Ça c'est pour vous ce matin avec aussi l'artiste. Et vous le retrouvez chaque soir dès 23h en direct. Voici le meilleur de Mickaël sur Énergie. Bon, on se fait les appels bien... Bienveillant, pourquoi j'allais dire bien intentionné. C'est pareil, c'est la même chose, c'est un synonyme. Certes. Bon, et les femmes qui se masturbent pas assez selon le site Adam et Ève, 25% ne se caressent jamais, ce qui aurait un effet néfaste sur la sexualité du couple. Du coup, les femmes qui se masturbent régulièrement connaissent mieux leur corps, paraît-il. Tu vas prévenir tes amis, Taf ? Ah bah oui, allons-y. Allez, grâce au numéro que vous envoyez chaque soir, c'est anonyme, vous pouvez y aller sur toph@energie.com. C'est parti. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. C'est qui ? C'est Tof. C'est Tof ? Ouais, c'est Tof, ouais. Bonjour Tof. Bah bonjour. Pourquoi vous m'appelez ? Bah en fait, parce que je voulais savoir si ta femme elle se masturbait, mais en fait ça n'a pas d'importance. Donc on va souhaiter une bonne soirée, on se fait des poutous ? Ma femme ? Ouais. Si elle se masturbe ma femme ? Ouais, voilà, c'est ça. Bah je sais pas, mais je pense que ouais. Et bah tant mieux. Allez, on souhaite une bonne soirée, on se fait des poutous ? Pourquoi vous me laissez maintenant ? Bah parce que je... Voilà. j'ai envie. Parce qu'en plus t'es top de chez Energy. Bah oui, voilà, c'est pour ça. Donc c'est pas la peine que. Bon, allez, bisous, bisous. Bisous, bisous. Et ben voilà, ben on va la faire à l'autre, hein, c'est pas grave. Merci à Edward qui vient de m'envoyer un mail qui me propose pour pas cher de faire grossir, grandir mon membre de 4 inches. Ah ouais, écoute, putain, c'est, ça va se faire une belle bite. Je sais pas, c'est un mail que je vais recevoir. Ça fait quoi, ça donne quoi 3 inches 3 inches. Christophe, je suis toi. Bon, on fait d'abord un autre appel et on va calculer ça juste après. C'est vrai, je l'ai là, regarde. Oui, allô ? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce qu'en fait, je voulais savoir, est-ce que vous vous masturbez régulièrement, madame ? Vous avez pas à foutre de m'appeler pour des merdes pareilles, non ? Oui, c'est pas une merde, madame, enfin, pourquoi vous dites ça ? Pourquoi vous m'appelez pour m'appeler des questions comme ça ? Vous êtes con ou quoi ? Bah non, je suis pas con, madame, pourquoi vous dites ça ? En plus, vous m'appelez en privé, en plus. Mais pas du tout ! Mais enfin, dites pas ça. Pas du tout. Bah, va te faire enculer, excuse-moi, mais va te faire enculer très très fort. Oh non, merci, madame, mais pas de ça entre nous, enfin ça se dit pas. Amuse-toi bien. Oh, bon. Oh non, allô. Ah, 7,60 cm a priori, à peu près, hein, à peu près. Bon, on rappelle. Tonight, c'est-à-dire en cette nuit. Ah oui, ouais, bah attention. Puis il dit aussi que ma femme sera ravie. Ah bah oui, bah j'imagine. Allô ? Oui, je m'excuse madame, mais on a été coupé. Ah, allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme, on a été coupé. Oui, c'est la gendarmerie, hein. Oui, ah. Parce qu'en fait, je voulais savoir, est-ce que votre femme, elle se masturbe régulièrement ? Excuse-moi. Oui. Quand t'as trompé de numéro, t'as trompé de pigeon. Je sais pas comment t'as eu ce numéro-là. 118-218, monsieur, tout YouTube. On va bien rigoler, c'est bien marrant. C'est bien marrant ton petit cinéma, t'inquiète pas, mais c'est bien marrant. T'en fais pas, tu sais quoi, oui. Ton numéro, il est pas enregistré, ce numéro privé à la con. Ah bah je peux vous donner monsieur mon numéro si vous voulez. T'es en train de marceler, espèce de connard, t'es en train de marceler. Mais pas du tout monsieur. Je vais passer demain au commissariat avec l'heure et machin de ton appel, on va faire un machin, tu vas me rappeler, on va rigoler, ok. Ce numéro là, cette puce là, je vais la cramer. Bah, écoute-moi bien, oui. Et fais le rigolo mon pote. Oui. Ah, moi je vous écoute monsieur, moi je voulais juste une réponse à ma question. Allô ? Eh ben voilà, très bien, hop là, on rappelle ? Bah oui, un homme si charmant. Ben oui, bien sûr, c'est la gendarmerie. Bonjour, vous êtes sur la messagerie Orange. Eh ben voilà, oh quel dommage ! Mais oui. Quel dommage ! Bon, merci gentil. Eh ben oui, effectivement, et c'est pas grave. 01 40 71 5000. Mickaël sur Énergie. Mickaël. Dès 23h, du lundi au vendredi. Are you drunk or not? Gonna judge what I'm doing. Are you high or not? To skills that I'm ruined. Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love. So tease me. Ooh. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here. So come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the thing that I do. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Sur Énergie, c'est Cédric, le snap de Elodie ce matin, là, sur le snap Énergie Radio, elle est à Montpellier. Cédric, donne-moi une bonne raison de me réveiller ce matin. Alors, moi, je vous arrête tout de suite à la place, je resterai au pieu, en fait, hein, sous la couette. Voilà, avec Énergie, mais je resterai au lit. On se fait la Brintia et Diplo dans la playlist Énergie. Martin Garrix qui arrive aussi. Et avant de le retrouver à 20h ce soir pour bien terminer la semaine, voici le meilleur de Rico Show sur Énergie. Raccroche ou en poche, à qui pouvez-vous faire confiance? C'est maintenant dans le Rico Show. 20h-23h. Sur Énergie. Eh oui! C'est une question de confiance. Nadir, 30 ans de Saint-Étienne, est là. Toujours là, mon Nadir ? Oui, je suis toujours là. Face à Laetitia, 29 ans de Saint-Raphaël. Oui, toujours ici. Les amis, pour l'instant, vous avez tous les deux, un cadeau de 250 euros. Si vous raccrochez tous les deux, vous repartez avec 0 euros. Si vous restez tous les deux en ligne, vous gardez ce cadeau de 250 euros. Attention, si un seul de vous deux raccroche, primo bluffeur. Et c'est celui qui aura donc raccroché qui partira avec un cadeau de 500 euros. D'accord ? Oui. Mettez-vous d'accord, discutez et à vous de savoir qui est le bluffeur, qui qui est sincère et qui est le salopard. On est d'accord ? Nadir, Laetitia, je vous laisse discuter ensemble. Nadir, vas-y. Salut Laetitia, comment vas-tu ? Ça va, merci. Dis-moi, ouais. Je vais prendre la parole en première. Je sais que t'as un garçon et que du coup, tu vas vouloir absolument jouer à la PS4. Mais eh ben, sincèrement, je te coupe. Attends, pardon, je te coupe, mais je suis vraiment... J'aimerais vraiment que tu me fasses confiance et qu'on puisse garder tous les deux le cadeau de 250 euros. Parce que je pense que on a l'opportunité une seule fois de gagner un lot comme ça, donc ça serait plutôt bien. Eh ben écoute, je suis d'accord avec toi parce que les consoles de jeu, j'en ai vraiment rien à foutre, alors que le sport, je suis à fond dedans, quoi. D'accord, donc, bon après, écoute, moi j'ai vraiment envie de te faire confiance et ça serait vraiment bien que tu me fasses confiance et je pense que comme ça au moins on sera contents tous les deux, quoi. Attention Laetitia, Nadir, qui est le bluffeur? Je vais lancer un décompte très vite et puis on va voir. Nadir, toi, tu ne raccrocheras pas, tu restes avec un cadeau de 250 euros. Moi, la PlayStation, j'en ai rien à foutre. Moi, le sport, ça me va très bien, moi. Laetitia, tu veux aussi ton cadeau de 250 euros, tu ne raccrocheras pas. Oui, moi aussi, c'est sûr, parce que j'ai trop envie de tenter l'aventure. Attention, Laetitia. Super. Si tu mets une carotte à Nadir, que Nadir reste en ligne et que tu raccroches, c'est toi qui repars avec un cadeau de 500 euros et Nadir avec 0 euros. D'accord, mais je raccrocherai pas. Tu raccrocheras pas? Non, d'accord, merci, moi aussi. Ouais, il faut être un peu honnête dans la vie. Qui vous sentez sincère ou pas? Hashtag Ricocho sur énergie, Sylvain. Il y a trop d'honnêteté là-dedans. Ouais, je suis pas honnête, je suis honnête, je suis respect. Arrête, c'est bon. Hein. Je sais qu'il y en a un qui va raccrocher. Moi, je pense que c'est la meuf. Tu penses que c'est Laetitia qui va raccrocher? Ouais. Tu sens pas, donc tu dis à Nadir. Nadir, fais pas le con. Franchement, j'espère pas parce que je lui ai fait confiance comme Edna. Elle s'en fout de la PlayStation comme moi. Elle veut faire du sport. Donc voilà, quoi. JM. Moi, je te le dis, les deux vont raccrocher. Comme il dit Sylvain, ils sont pleins de petites phrases. Ouais, il faut être honnête, blablabla. Les gars, on vous a vu à 3 km. Ils vont raccrocher tous les deux. Moi, s'ils raccrochent tous les deux, c'est 0 euro. Ouais. Si tous les deux se bluffent, Sarah. Laetitia, elle est trop maline. Elle a un sourire en coin. À mon avis, elle va le carotte, le Nadir. Je pense qu'elle va le carotte. Pas du tout. Je suis juste stressée. Mais non, vraiment, t'es maline. Non, pas du tout. Laetitia, t'as 10 secondes pour convaincre Nadir une dernière fois. Bah écoute, il faut vraiment qu'on se fasse confiance parce que je veux vraiment avoir ce cadeau de 250 euros. Et voilà, franchement, honnêtement, voilà, sinon ça sert à rien de jouer. Et je pense que c'est le mieux, au moins on gagne tous les deux. Et voilà. Exactement, exactement, exactement. Nadir, t'es pas canadien, toi? Tu m'as dit que t'étais de Saint-Étienne. Saint-Étienne, non, parce que les Stéphanois, ils sont son joueur. Donc voilà. Hein. Bon, bah écoute, c'est parti. Attention, décompte de 10 secondes. Et à l'issue, ça va raccrocher ou pas? Pour tout le monde, hashtag Ricocho sur énergie, c'est Laetitia qui risque de la mettre à l'envers. On y va, top au décompte. On se la mettrait pas du tout à l'envers, donc je t'en supplie, ne raccroche pas du tout. On ne raccroche pas. Non, toi. Les amis, aïe. Les 10 secondes sont passées. J'aime pas ton regard. Et je vais pouvoir vous dire si ça a raccroché ou pas. Les amis. Ouais. Quoi? Je te sens pas, Rico, là, excuse-moi, mais la terre sous le choc. Dis-nous. Il est blanc. Les amis. Quoi? C'est complètement ouf. Quoi? Ah bah, dis-nous. On peut croire en l'humanité encore? Les deux ont raccroché. Mais c'est très grave. T'es sûr? Aïe, les deux ont raccroché, JM. Je savais pas dire, Rico, ils sentaient l'enfume, mais ça se sentait à 3 km, les deux. Le mec les avait l'air sincère, je suis désolée. Ah, c'est terrible, terrible. Alors attention, ils ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. On les récupère. Laetitia! Oui! Tu l'as mis à l'envers à Nadir! Je le savais! Laetitia! Oui? Pourquoi tu l'as mis à l'envers à Nadir? Bah attends, écoute, la PS4, je voulais faire plaisir à ma petite sœur, moi. Mais je l'ai senti, ça. Laetitia. Oui. Laetitia, je rigole. Tu n'as pas gagné. Ah, puisque non. Nadir te l'a mis à l'envers aussi, vous repartez avec 0 euros. Raccroche ou en poche. À qui pouvez-vous faire confiance? C'est maintenant dans le Rico Show. 20h-23h. Sur Énergie. We got it all.

sur Énergie. Salut tout le monde, bon réveil, j'espère que tout va bien. On écoute Drake dans la playlist Énergie. Normalement ça devrait bien aussi aller à 17h30 tout à l'heure pour l'un de vous. Vous allez pouvoir gagner jusqu'à 10 000 euros dans le Cash Cash Énergie chez Koé. Inscrivez-vous en 7-10-12, vous envoyez vos coordonnées maintenant. Koé de retour à 17h sur Énergie. Et avant d'écouter Drake, on se fait le meilleur de l'émission sur Énergie. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Fêtons le fait que Kenji soit numéro 1 et ça me fait très plaisir. Donc on n'a pas pu prendre la machine. J'ai envie de faire un truc de dingue. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai trouvé des extincteurs pour faire la fumée. J'ai envie de fêter le fait qu'il est numéro 1 avec nous ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, il y a un problème là, il y a la sécu. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Non, ça m'amuse pas avec l'extincteur. Déjà, oui, mais la dernière fois. Non, parce que la dernière fois, vous avez gueulé qu'il y avait le feu, donc j'ai pris un extincteur. Ah ouais, mais non, aujourd'hui, il n'y a pas de feu, il n'y a pas besoin de tout ça. Mec, t'es en train de... on va ranger tous les extincteurs. T'es en train de péter l'ambiance, mon gars. Oui, mais dis, t'as vu. Ça gâche tout, là. Non, non, c'est pas possible. Mais dis, il est numéro 1 quand même. Ah, je sais, mais c'est pas possible. Je peux pas extincteuriser. Extincteuriser. Ouais, t'as cassé l'ambiance. Ah ouais, là, c'est bien. On dira rien, on ne le dit à personne. Personne nous regarde. Kenji, il est. Tu fais ça, toi. Il est numéro 1, regarde, tu le fais chialer. Déjà qu'il a pas trouvé le nom de la marque. Regarde ses yeux. Regarde, il pleure vraiment. Oh là, regarde, tu fais ça. C'est pas cool, c'est pas cool. T'es comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Un coup, rapide. Oh, les Ghostbusters derrière. Sérieux? On dirait les employés municipaux. Je crois que c'est mort, ok. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Fait-on! Il est bien! Quoi? Ah, c'est les confettis. Ça va dans les machines. Ça va dans les machines, c'est le bordel. Ça va quoi? Ça rentre dans les machines et tout, c'est le bordel. Dans les machines. T'es moins chiant quand t'es à l'accueil, toi, hein? Attends, je vais appeler mes cousins, mes amis et tout. Ah ouais. Il dira plus pareil. Mais, ça, je suis renfort à la mais parce qu'un gros canon à confetti, ça gêne. Ah ouais, non, pas possible. Mais on nettoie après, hein. On se mange le casque. C'est pas possible, il reste toujours quelques-uns. Non. Un petit canon à confetti. En fait, tu veux pas que je sorte d'album? Vas-y, on vient, on a lu le tour, ça va, mon album. Je vais pas du tout, non, c'est pas possible. Il est numéro 1. Non. Ouais, qu'il arrête de chanter. Bon, ça, vous pouvez. Ah, ça, c'est possible. Mais tu rigoles, quoi? Non, mais il fait... Ça, c'est fait. Là, je vais vraiment pleurer, les amis. C'est pas l'album, ça. Merci. C'est la fête. Merci. Youpi. Merci, Mehdi. Il est parti. Allez, dans l'autre sens. Arrête. Non, non, il n'y arrive jamais. Non, t'as pas. Il me reste les stunters. C'est une balle. Il est revenu direct. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Trap, money, penny. This shit got me in my feelings. Gotta be real with it. Yeah. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices. They running out of options. Cause I've been going off and they don't know when it's stopping. And when you get to top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump and confirmed it. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. Bad bitches and we kissing in a wave, kissing, kissing in a wave, kissing, kissing in a wave. I need that black card in the cold to the safe, cold to the safe, cold, cold to the safe, safe. I show 'em how to network, fuck that Netflix and chill. What's your net, net, net worth?

vous êtes sur Énergie. Bon réveil tout le monde, un petit peu plus de 5h. On est vendredi aujourd'hui, c'est Cédric. On va écouter George Ezra, le tout nouveau Dadju qui arrive aussi. La tournée avec Énergie, là partout en France. Les infos, les résas, énergie.fr. George Ezra, Dadju, et avant de le retrouver en direct dès 6h, c'est le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie, avec les infos de Glandu. C'était hier matin. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Oui, vous l'attendez, le monde entier l'attend. T'en fais pas trop non plus. Bah, je suis obligé d'en faire trop parce que, comme toi, t'en fais pas assez. Oh, le clash. Il est là, Booba. Voici les infos de Glandu, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne se pose. Il est possible de tricher à pile ou face. Ah. Eh ouais, pile ou face n'est pas que le fruit du hasard. Et c'est des chercheurs canadiens qui l'affirment, étude à l'appui. Ouh. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils disent qu'au bout d'une grosse demi-heure d'entraînement, eh ben, ça peut améliorer notre capacité à faire tomber la pièce sur la face de notre choix. Alors, comment qu'on fait? Bah, ils ont demandé à des étudiants en fait, de lancer une pièce de monnaie 300 fois, donc les gars se sont fait chier, oui. Avec l'intention qu'elle retombe avec le côté face orienté vers le haut. Et au bout de cet entraînement, il y en avait 7 sur les 13 qui arrivaient à avoir 70% de résultats où le côté face tombait vers le haut. Mais est-ce que c'est pas... parce qu'on peut dire aussi que les autres qui avaient 70% de pile, Bah oui. Les autres étaient à 50% quoi. Sur 300 fois, tu vois, les autres étaient à 50%, ce qui est normal, non, logique. Ouais, mais c'est pas un peu du cul, juste une... parce qu'il y a la moitié des gens qui ont eu 70%. C'est pas... Ta théorie se défend, mais eux disent que non, que c'est pas du cul. Excusez-moi, je comprends rien au pourcentage, on peut passer à une autre information. Ok. Ah, d'accord. Ok, Isabelle. Genre, c'est toi qui décides. Hein, Isabelle dans le 6-9. Hein, pardon. Ok, enfin, si bon, on la laisse faire dans deux jours, elle nous fait une rubrique sur les animaux, qu'est-ce qu'ils mangent. Donc. On va enchaîner alors. On va enchaîner. Oh, ça te va, Isabelle, si on enchaîne? Je vais bien. Il n'y a pas de problème. Une société américaine offre des congés parentaux à ses employés qui viennent d'acquérir un animal de compagnie. Oh, ça, c'est génial. Bah, un congé parental pour accueillir un animal de compagnie. Ouais, c'est ça. C'est une société spécialisée dans le marketing. Et ils offrent une semaine à leurs employés avec des horaires allégés et ils peuvent travailler de chez eux à ceux qui vont accueillir un chien, un chat ou autre animal. Ouais. T'as que des infos avec des gens qui font avancer le monde. Hein. C'est, ouais, c'est pas mal. C'est ça. Entre le pire. Mais non, mais ça, je comprends ça, que t'aies besoin d'un peu de temps pour un animal de compagnie, mais c'est pas un besoin. Bah, il faut l'accueillir, il faut l'habituer à son nouveau foyer, tout ça, quoi. Ouais, un peu comme un bébé. C'est ce bah oui, c'est très important. Après que ça te plaise pas, je peux comprendre. Ouais, enfin, avec soi, mais le bébé, il va pas bouffer mon canapé. Hein. Et justement, on y vient. Moi, si j'avais pris plus de temps avec ma chatte, elle ferait pas pipi sur le canapé tout non, le temps. Non, ta chatte, les chats, globalement, ce sont des suppôts de Satan, donc de toute manière, un chat fera toujours pipi sur ton lit. Ok. C'est le principe de Satan. Hein. Ouais. Vous savez, le diable fait pipi partout. Ah, c'est le titre d'un film, le diable fait pipi, là. Ah non, il s'habille en Prada, ouais, c'est pareil. Dernière info, Glandu. Oui, une info qui va plaire aux fêtards. Boire beaucoup de bière peut rendre plus intelligent. Oh, Paulette! Tu es un génie? Fais les infos de Glandu. C'est des experts de l'université de l'Oregon qui ont mené cette étude en 2014. Et en fait, une grande quantité de houblon peut améliorer de façon significative les capacités du cerveau. Alors, ouais. Et tu sens que cette étude a été faite après 8 pintes. Non mais il y a un tic, c'est qu'il faudrait 3520 pintes en 24 heures, donc 2000 litres environ de bière, pour que ça marche, pour devenir un génie. Pour une personne? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais non mais 3500, imagine, on réussit par je ne sais quel système à faire boire 3500 pintes de bière à un mec. Ouais. Ouais. Tu lui poses une question de mathématiques très complexe. Ouais. La seule réponse du mec sera... C'est ça. Oui. On ne pourra jamais prouver que c'est un génie. Mais si ça se trouve, il a la bonne réponse. Oui, c'est ça. C'est dans sa tête, il a le résultat de l'équation. Mais ce qui sort, c'est... Mais dis-nous, Bernard, dis-nous, t'es un génie. Bernard, s'il te plaît. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Énergie. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun.

l'horoscope. Avec les béliers, ce matin, votre énergie remonte en flèche. Les taureaux au travail, on compte sur vous. Les gémeaux, vous voguez sur un petit nuage. Les cancers au travail, vous marquez des points importants. Les lions, l'ambiance se détend en soirée. Les vierges, temps calme et propice pour votre carrière. Les balances, vous profitez d'une journée tonique. Les scorpions, vous avez un petit peu de mal à rester concentré. Les sagittaires, vous êtes au centre d'attention sympathique aujourd'hui. Les capricornes, vous n'êtes pas à l'abri d'une rencontre inattendue. Les verseaux, rien vous agace. Et les poissons, un petit déplacement vous attend. Bon réveil sur Énergie. Quelle radio double votre salaire en vous réveillant le matin ? Énergie ! C'est gagné, Catherine ! Merci ! Quelle radio vous raccompagne à la maison en vous éclatant ? Énergie ! Est-ce que vous avez un micro dans le supermarché ? Me dites pas non, je l'ai déjà vu. Est-ce que... Chers clients, écoutez Coé tous les soirs de 17h à 20h sur Énergie. Quelle radio vous offre 50 000 euros avec la playlist suprême ? Énergie ! Quelle radio vous fait découvrir les plus grands hits des plus grandes stars toute la journée ? Énergie ! Énergie, it's music only. Pour être détendu, il y a... Si la position du lotus joyeux n'est pas votre truc, il y a Dacia Sandero. Avec sa caméra de recul, je me gare facilement, sans stress. Et pour la révision, j'ai 5 ans d'entretien offert. Alors on lâche prise et on pense à Sandero à partir de 3 euros par jour. Pendant les jours plus simples, du 13 au 17 septembre, Dacia Sandero est à partir de 3 euros par jour, soit 90 euros par mois, avec 5 ans d'entretien offert. LLD 61 mois, 60 000 km, réservé aux particuliers pour toute Dacia neuve du 1er au 30 septembre, si Accordiac, voire Dacia.fr. Journée spéciale Shadow of the Tomb Raider sur Énergie. Envoyez tout de suite par SMS Énergie, jeu vidéo. Plus vos coordonnées au 6-11-12 et soyez les tout premiers à vivre l'aventure la plus décisive de Lara Croft sur Xbox One. Shadow of the Tomb Raider, aujourd'hui sur PS4 et Xbox One avec Énergie Hit Music Only. Des monuments français à sauver, des millions d'euros à gagner. Ce vendredi, Super Loto Mission Patrimoine avec jackpot exceptionnel de 13 millions d'euros à partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Gagnez toute la journée votre compil Énergie Fresh Hit 2018. Tous les hits du moment sont réunis sur 3 CD avec Jane, Nicki Minaj et Ariana Grande, Bob Sinclair, Big Flo et Oli et Petit Biscuit, Kenji Girac, Kaigo et Imagine Dragons, Armin Van Buuren, Post Malone, Sliman, LSD. La compil Énergie Fresh Hit 2018. Vendredi dans les bacs. Chérie, avant de faire les papiers de la voiture avec le monsieur, on peut essayer un truc ? Bah si tu veux, ouais. Ah bah ok, allez-y. But à la 90e minute. Ok, c'est bon, on la prend. Pas de problème. Volkswagen, à l'épreuve des supporters des champions du monde. En septembre, pour l'achat d'une Golf, profitez d'une reprise plus jusqu'à 4500 euros sur votre ancien véhicule. Sous condition de bénéficier de la prime à la conversion, 2000 euros. Conditions sur servicepublic.fr et volkswagen.fr. Portes ouvertes les 15 et 16 septembre. Énergie. Énergie. It's music only. Every anger, tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know the way that Gucci look on you. I'd be on her. Beautiful, beautiful life right now. Beautiful, beautiful night right now. No, no, no. Hey, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel. Love your imperfections, every anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know.

une poule pondeuse. Arrête, Manu. Non, t'as plus, exagère. J'ai fait que 3 enfants, ça va, il y a plein de gens comme moi, hein, vraiment, bah, vraiment. C'est, bah, c'est déjà beaucoup. Ouais, ouais. Et t'avais des trucs quand t'étais enceinte? Heureusement, moi j'étais pas hyper sensible comme ça, mais j'avais tout le temps les tétons qui me grattaient. Mais tout le temps, 24 sur 24. Alors j'avais ça, c'est intéressant. Qui me démangeaient, quoi. Et pendant 9 mois, tu te grattais les tétons comme mais ça? Vraiment, mon mec avait honte, hein, je te jure, parce que en plus, comme j'étais enceinte, je me disais, bah, c'est bon, je suis enceinte, j'ai le droit, et hop, je me grattais les tétons au resto et tout. Mais c'est chelou parce que les gens qui te voient gratter tes tétons et qui savent pas que t'es enceinte, c'est gênant quand même. Ben, c'est pourquoi elle me regarde comme ça se grattant les tétons? Tu t'en fiches quand t'es enceinte, Manu. Ah, ben, je sais pas, ça je peux pas dire. On a Cécile qui est avec nous au téléphone. Bonjour Cécile. Salut Manu, salut à tous. Cécile, tu as été enceinte? J'ai été enceinte 2 fois. D'accord, félicitations. Merci, c'est gentil. Et qu'est-ce qui se passait quand t'étais enceinte dans ton corps? Alors, un truc de fou, les hormones, donc c'est immaîtrisable. Mais moi, ce qui m'est arrivé, et c'est vraiment un truc de dingue, au 5e mois de ma grossesse pour mon premier enfant, je me baladais en ville, et là, tout d'un coup, j'ai eu une pulsion, on va dire sexuelle, je peux pas dire autrement. J'avais envie de tout le monde. Mais c'est infernal, c'est incontrôlable. Quand tu dis incontrôlable, tu t'es contrôlée quand même ou... Je suis rentrée chez moi retrouver mon mari rapide. Oh la vache. Génial. Oh la bouilloire. Non mais grave. Pose ta manette de PS4. Tout de suite, mets sur pause. J'ai chaud. Mais attends, imagine, Cécile et Isabelle à un dîner quoi. L'autre, elle se gratte les tétons. Oh. Cécile, mais qui est là? Waouh. C'est quoi, on devrait organiser des restaurants spéciaux pour vous? Ah ouais, des restaurants spéciaux femmes enceintes. Ouais. Merci de nous avoir appelé, Cécile, et vivement la prochaine grossesse. Hein, c'est mon mari qui dit ça. Oui, bah oui. Nico? Moi, je suis en train de vivre le truc en ce moment avec ma sœur, là. Elle est enceinte aussi, là. Ah, c'est bientôt, elle. Ah, bientôt. Bah, c'est d'ici la fin de la semaine. Ah ouais? C'est-à-dire que si elle a pas accouché, son terme, c'est dimanche. Donc, dimanche, elle rentre à l'hôpital, quoi qu'il arrive. D'accord. Et là, autant te dire qu'au niveau des hormones, on est au top. Des trucs relous. Et ce qui fait que je l'ai appelée quand même il y a 2 jours pour aller chez elle. Et je lui ai redemandé son code de porte d'entrée. Et elle s'est mise à pleurer parce que j'avais pas noté le code de porte d'entrée. Ah. Et là, tu te dis, ok, c'est compliqué. Je viens pour manger chez toi, ça commence très très mal. Ok, t'es enceinte, mais faut pas me faire chier. Dans ces cas-là, faut mieux dire que le plat, même s'il est dégueulasse, est extrêmement bon. Ah ouais, j'étais très cool. J'étais très cool. Arnaud, bonjour. Salut les Wawin. Bienvenue sur Énergie. Tu veux nous parler de ta femme qui était enceinte? Voilà, moi, ma femme, quand elle est enceinte, à 3h du matin, elle te bouffait un saucisson sec entier. Et alors qu'elle est hors de ça. Ah, là, c'est bizarre, plus problématique. Ouais. Ah ouais, mais oui. Ah oui, et elle, c'était 2-3 fois par semaine hein, qu'elle me faisait le coup. Wow. Écoute, tant qu'elle mange pas 2-3 fois par nuit un saucisson, on se maintient, Arnaud. Merci de nous avoir appelé. Belle journée à toi. Merci, ciao Léo. Ciao. Glandu, t'as une histoire? Mais ouais, dans la même idée, moi, j'ai une amie qui avait des habitudes alimentaires aussi un peu bizarres pendant sa grossesse. Et elle adorait, son kiff ultime, c'était de se faire des mouillettes qu'elle trempait dans du jus de cornichon. Mais attends, excusez-moi, mais vous avez clairement un problème avec la bouffe quand vous êtes enceinte. C'est bizarre. Je sais pas, je crois qu'on n'a pas le même goût que vous. C'est-à-dire que la sauce de cornichon, pour nous, c'est hyper bon. Tu vois, ça change un peu. Franchement, je préfère quand tu te grattes les tétons. À choisir. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Énergie. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. We gonna rise till we fall. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna rise till we fall. When we hit the bottom. They say we-

Every time my head hurts, every time I'm low. Cause I don't know if I would be alive today with or without you, like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day, it's a Saturday, but every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't leave me sur Énergie. Salut tout le monde, bon réveil, dès 6h, retour en direct de Manu dans 6-9 sur Énergie. Vous avez envie de l'appeler ce matin en direct? Ok, 0800 70 42 48, ça c'est son numéro. En attendant, celui d'Yves Afoné à Passy et le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Une question très simple. Qu'avez-vous osé faire de plus dingue dans votre vie? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que sur un forum de discussion sur internet, j'ai trouvé cette discussion. Quelqu'un a posé cette question et les gens ont répondu. Il y avait par exemple: j'ai osé demander à un prof de fac de sortir avec moi, il a dit oui. Waouh. Faut y aller. Hein. Ah, oui. J'ai osé plaquer mon métier de comptable pour devenir personnage chez Disneyland. Oh, c'est génial. J'en ai marre de la compta, j'en ai marre d'Excel, moi ce que je veux c'est être dans Tic et Tac. Bim. Et un petit dernier, j'ai osé dire non le jour de mon mariage. Oh non. Purée, ça fait mal. Wow. Ça c'est chaud. Ah ouais, ouais. Qu'avez-vous osez de plus dingue dans votre vie? 0870 42 48, je pense qu'on peut avoir de belles histoires. Ouais. Paulette? J'ai osé dire à ma coiffeuse que j'aimais pas la coupe qu'elle m'avait fait. Oh, oh. J'ai osé. Alors, tu sais quoi? C'est impressionnant parce que je ne sais pas ce qui se passe quand tu dis ça, puisque ouais, jamais personne ne l'a fait. Bah oui, bah, et alors je savais pas quoi dire. Elle a bafouillé comme ça, elle a fait je peux pas vous payer quand même. Là, ah ouais, ah, d'accord, ok. Voilà. C'est comme, est-ce que la température de l'eau ça va? Ouais. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire non. Ouais. Ah non, bah oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Ça se trouve, la coiffeuse elle te mange. Un risque incroyable. Qu'avez-vous osé faire de plus dingue dans votre vie, Isabelle? J'ai osé accoucher sans péridurale. Alors la péridurale, c'est en fait c'est une grosse anesthésie qu'on te fait hein, avant d'accoucher. Et pourquoi t'as pas fait ça? Parce voilà, que ça soulage ça. Mais oui, mais justement j'ai osé. C'est-à-dire que je me suis dit non, je veux vivre le truc à fond. Ah. Tu sais, moi j'ai 3 enfants, donc pour le 3e, je me suis dit allez, j'y vais maintenant. Après 2, tu dis que le 3e, tu vas dire on pousse un petit peu et puis il s'en va. Hein, c'est vraiment. Exactement. Sauf que pour les 2 autres, j'avais pris la péridurale. Ah. Et là j'ai compris la différence. Et ça ne sort pas comme un bouchon de champagne alors? Non, Manu, non, non. Est-ce que vous voulez vraiment que je vous raconte mon accouchement là maintenant? Je sais pas. Parce que le truc dingue que j'ai osé faire dans ma vie, c'est justement assister à l'accouchement de ma femme à l'époque. Oui, parce que vous n'avez pas le choix, vous devez y aller. À l'accouchement, nous, on nous demande. Ouais, mais c'est beau. Et c'est beau, c'est beau. Mais ah, c'est génial. Bah, c'est compliqué parce que tu tiens sa main déjà. Ouais. Alors tu la tiens pas en fait, hein, elle te broie la main. Ouais. Okay. Il faut le savoir. Et tu lui parles, et des fois elle te dit parle-moi. Et quand tu lui parles, elle te dit ferme ta gueule. Donc toi, c'est vraiment. Mais j'ai osé le faire. Ouais. Ah ouais. C'est vraiment compliqué. Ouais. Juliette, bonjour, bienvenue sur Énergie. Bonjour Manu. Qu'as-tu osé faire de dingue dans ta vie? Eh bien écoute, moi j'ai osé me faire hypnotiser pour vaincre ma phobie des migales. Et pendant mon hypnose, on m'a mis une migale dans la main. Et à mon réveil, je n'en avais plus peur. Oh, c'est génial. Waouh. Wow. Cool. Et maintenant, t'as plus peur du tout des migales? Du tout. D'accord, mais du coup, ça devient un peu dangereux. Si vraiment t'en as plus peur du tout. Oh, la petite migale, va lui faire un bisou. Je te rassure, je n'irai pas en adopter une pour autant, mais je ne hurle plus comme avant en voyant une araignée. D'accord. J'imagine que ce truc-là marche pas avec des lions, par exemple. On te met pas un lion dans la main en disant. Alors, si, on peut te mettre un lion dans la main. Ouais. Et t'en as plus peur après, puisqu'évidemment, il t'a mangé. Merci de nous avoir appelé, Juliette. Belle journée à toi. Qu'avez-vous osé de faire de dingue dans votre vie glandue? Moi, le truc le plus fou que j'ai osé, c'est que j'ai osé tout plaquer pour faire le métier de mes rêves. Pour faire de la radio. Ah mais c'est vrai. Ouais. Mais oui. Et je suis reparti à zéro puisque j'étais consultant en nouvelles technologies. Enfin ils vont attends. Non, arrête avec ça. Glandu vendait des clés USB. Mais non, je vendais pas des clés USB. Je conseillais sur la stratégie digitale. Ouais, des grands groupes. Tu vendais des clés USB. Bon. Non bref. J'avais un bon poste et tout. J'étais en CDI. J'étais bien confortablement assis à mon bureau tous les jours. Et un jour, je me suis dit, non, c'est pas ça que je veux faire. Et du coup, j'ai tout plaqué. Je suis reparti à zéro. J'ai repris des études. Donc j'étais le plus vieux, bien sûr, dans mes études. Alors il a fait une étude, le studio École de France, qui est l'école de radio. Ouais, exactement. Okay. Il a fait ça et il est arrivé en stage ici. Ouais, c'est ouf. Il vendait des clés USB, il a dit stop. Je veux faire de la radio. Il a démarré ici, il était pas payé, il était stagiaire quoi. Ouais, j'étais en stage, j'ai décroché. Il décrochait le téléphone et on l'a vu. Ouais, on l'a vu le petit glandu. Ouais, oh là là. On a essayé de s'en débarrasser, mais. C'est une belle histoire. Dorian, bonjour. Salut Manu, salut Romain. Qu'as-tu osé faire de dingue dans ta vie? J'ai osé engager toutes mes économies pour ouvrir ma société à 22 ans et je suis super fier. Waouh! Mais quoi? Ah oui, c'est pas mal. Et t'avais combien d'économies? 10 000 euros. 10 000 euros? Ah oui, t'as des belles. C'est cool. Des belles économies. Wow. J'ai commencé à travailler tôt. et t'as quel âge maintenant? J'ai 24 ans bientôt là. Donc ça fait 2 ans et donc t'as monté ta boîte de quoi? Je suis dans la rénovation d'habitation. Rénovation d'habitation. Ouais. Okay. Génial. Wow. Et ça marche bien? Franchement, ça marche plus que bien, même. Ah, c'est génial. Franchement, j'ai bien le boulot. Franchement, je suis numéro 1 en Europe. Tu vois, Manu, là, ton émission et ta radio, je peux la racheter. J'en fais ce que je veux, ok? Si le logo à la place de la panthère, c'est la surénergie, j'ai envie de mettre un dromadaire, je le ferai. C'est mon objectif dans 2 ans. Il nous reste 2 ans à bosser, les amis. Merci de nous avoir appelés, Dorian. Belle journée à toi. Merci, Manu. Salut. Tout à l'heure. 6h, 9h30, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. We turning it up, yeah. We turning it up. Ain't got no tears in my body. I ran up, but boy, I like it. I like it. I like it. Don't matter how, what, when, who tries it. We out here vibing. We vibing. We vibing. The colors in you, I see them too. And boy, I like them. I like them. I like them. We way too fly to partake in all this hate. We out here vibing. We vibing. We vibing. Come on. Even when it's raining down. Can't stop. Can't stop. So shut your mouth. So we turning up, yeah, we we turning it up. Some like their dreams to fill their days. Inside their broken hearts they wait. The future's fire lights up the gray until the clouds all blow away. We got together. Si j'endosse l'écorce, je pense trop fort. On dit que sans masque, je vaux de l'or. J'amorce mon vol au-dessus du sol. Je saute dans le vide sans peur. Je vole avec toi vers demain. Je veux ton amour dans mes mains. Je vibre ici, ailleurs. Je saute dans le vide sans peur. J'avance. There's nothing strong. Océan de rose, je rase les murs de simples choses, m'embrasse. Autour je trace ma terre brûlée, l'âme sous le feu pour faire le pas. Seuls les vrais, les frères sont là. C'est le jour du grand départ, tu verras, je suis pas venue pour te décevoir. Je sais bien, ça pourrait prendre des années pour rien. Et puis tout pourrait bien s'effondrer demain. Si j'endosse l'écorce, je pense trop fort. On dit que sans masque, je vaux de l'or. J'amorce mon vol au-dessus du sol. Je saute dans le vide sans peur. Je vole avec toi vers demain. Glisse-moi le secret dans les mains. Je veux vivre encore ici, ailleurs. Je saute dans le vide sans peur. J'avance. Sans peur, le sol crache toutes ses couleurs. Le sol tremble, pas plus bas que tous ces gens que j'admire. Je vole pas moins haut que tous ces gens que j'admire. Je vole pas moins haut que tous ces gens que j'admire. La première fois que j'ai écouté Stitch, je croyais que c'était Mika. Mika. Ah ouais. Salut à lundi. Divaphone sur Énergie, 5h55, soyez les bienvenus. Nous sommes là de retour pour démarrer cette nouvelle journée, pour démarrer ce nouveau week-end. Ah ouais. Wow. Ça c'est ça. Alors, eh oui. On va passer ça à voir par les gens qui nous disent qu'il faut travailler le vendredi. Ah non. Parce que si on commence à laisser les gens nous dire on travaille le vendredi, ça veut dire quoi après? Qui vont nous demander aussi de travailler le lundi? Ça va pas. Est-ce que c'est ce monde-là qu'on veut pour nos enfants? Non, mais non. Je ne crois pas, non, Isabelle. Soyez les bienvenus, on démarre l'émission dans ces 4 minutes maintenant, parce que le temps passe vite. Ouais. À 6h, c'est Manu dans le 6-9, mais à 5h55, comme chaque jour, c'est le club du 5-5-5. Et comme chaque jour, on se fait un petit plaisir, on s'écoute un titre qui va nous lancer la journée. Et j'ai réfléchi hier soir. Ah ouais, ah, ouais. J'étais chez moi, ouais, dans mon jardin, ouais, allongé comme chaque soir sur un lit de pétales de rose. Ah, c'est énorme. À l'image. Ouais, avec mes moutons qui broutaient à côté de moi. C'est beau. Ouais. Et moi assis sur une chaise nue en bois. Je contemplais le paysage et je me suis dit, tiens, si le vendredi dans le club du 555, on se ferait pas à chaque fois un morceau dance qui nous donne envie de bouger le week-end. Ah ouais, ah, c'est pas mal ça. Et là, je me suis dit encore une fois, c'est pour ça que t'es chef. C'est pour ça que t'as les idées, quoi. C'est pour ça que t'es d'avant-garde, c'est pour ça que t'es un génie. Ouais. Et voilà. Okay. Voilà. Pas mal. Paulette, t'as des idées bizarres, mais t'as de bonnes idées. C'est merci. Ça quand même. Et ben toi, t'as des idées bizarres. Et c'est tout. Oui. Voici Metal Edge. Shadows in my heart. Ah ouais. Là, vous dites c'est pas dance. Oh, popo. Si. Ah, voilà, ah ouais. Nico, ah, tu te rappelles. Voilà. Oh, je me lève, hein, je me permets. Hein. J'adore ce titre, ça doit avoir 3 ou 4 ans. Lève-toi, fais-toi plaisir. Woo! J'adore ce titre. Vous allez voir. Ça en boîte, mais ça met le feu. Ah ouais. Là, on se dit c'est cool, c'est calme. Ouais, c'est cool. Attention. C'était l'arbre qui cachait la forêt. Soyez les bienvenus sur Énergie. Je sens une grande journée aujourd'hui. C'est Manu dans le 6-9. On démarre l'émission dans 3 minutes. Bon réveil. Sur Énergie, il est 6h. Et qu'on amène le coq.